Chapitre 5e. Peter Van Loo sourit devant l'effarement d'Elsa. Rassurez-vous, je suis Mercatori, adjudant-chef au service de la France. Nous sommes dans la gueule du loup, et la moindre défaillance peut nous perdre. Je sais ce qu'il faut penser de vous, parce que je sais qui vous êtes. Mais eux ne le savent pas. Ils vont vous mettre à l'épreuve. Soyez plus un abonne grotos que jamais. Mon Dieu, dit Elsa, mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Bravo, dit Mercatori en riant. Il se pencha vers Elsa et tout bas murmura deux mots. Ah, dit la jeune femme avec un soupir de soulagement. Pourquoi n'avez-vous pas dit cela plus tôt? Parce que je voulais voir quelles seraient vos réactions. À part un léger ciment des yeux quand j'ai prononcé votre nom, vous avez gardé votre air étonné, vos yeux candides, même quand j'ai révélé ma véritable personnalité. Ça va. Il prit la main de la jeune femme et la serra. L'homme qui conduit, dit-il encore, est le lieutenant français de Beaumont qu'on appelle ici Hans Schönberg. Avec Sommer, qu'ils ont fusillé dans une cave, nous formions le triangle offensif, qui a fait tant de mal à nos ennemis. Vous remplacez Sommer. Bravo. Et celui qu'on désigne par quelqu'un, qui est-ce? Heinrich von Priusch. C'est près de lui que je vous conduis. Attention, soyez un avant-grotteurs et rien d'autre. Car on compte ne voir qu'un avant-grotteurs. Méfiez-vous. N'ayez pas l'air bête, mais n'ayez pas non plus l'air trop intelligent. Soyez ferme. Tenez bon, quoi que l'on dise, et quoi que l'on vous raconte, pour essayer de vous faire perdre pied. Accrochez-vous désespérément à la personnalité par vous revêtue. Vos papiers sont-ils authentiques? Oui. Ce sont ceux d'une compatriote à moi, née dans mon petit pays de Marne, qui me ressemblait un peu, avait à peu près mon âge et est morte à Londres. J'ai fait arranger son acte de décès et celui d'Angel von Grotters, son cousin, et mari, ce qui explique ma qualité de veuve. Très bien. Bouche cousue maintenant, nous arrivons. Elsa, quand elle descendit de voiture, avait les mains moites, les jambes fauchées par l'émotion, et son cœur battait à rompre sa poitrine. Elle suivit pourtant son guide avec assez d'assurance dans les bureaux de la Kommandantur installés à l'hôtel de ville. Un homme qui se sentait chez lui, le faux Peter Van Loo, pénétra dans un petit salon où, seul à une table, un planton qui écrivait se leva lestement à leur vue. « Sa noblesse était là ?» demanda le compagnon d'Elsa. « Ja, Herr Leutnant. » « Seul ? Avec sa haute noblesse et monsieur le colonel Van Kovler. Annonce-moi et annonce aussi mademoiselle Anna. » Le planton disparut pour revenir deux minutes plus tard. Silencieusement, il garda la porte ouverte et la referma sur les talons d'Elsa que précédait Mercatori. Ils entrèrent tous deux dans le salon vaste et bien meublé ouvert devant eux. Le colonel Van Kovler avait disparu. Et Elsa, le cœur étreint par une émotion terrible, vit seule devant elle Heinrich von Priusch. Debout, près d'une table sur laquelle aucun papier ne traînait et au centre de laquelle figurait une charmante réduction en argent de la victoire de Samothrace, il la regardait venir vers lui. Grand, svelte, d'un blanc roux, le teint très blanc, les yeux clairs, d'un vert transparent et profond, suprêmement élégant dans sa sévère tenue de la marine de guerre, il souriait de l'air le plus affable du monde, sans se douter que cette visiteuse, en ce moment, incarnait son destin. « Voilà la jeune femme dont le docteur Berzelius nous annonçait l'arrivée, commandant, » dit Mercatori. « Merci. « Voulez-vous nous laisser seuls ?» dit von Priusch de sa voix chaude, au timbre grave et profond. Le faux Van Loo fit aussitôt demi-tour et sortit. « Asseyez-vous, mademoiselle, » dit l'officier en s'inclinant. « On vous a conduite en un logis détestable et je le regrette. Mais les notes concernant votre personnalité ne me sont parvenues qu'hier et j'ai fait le nécessaire pour vous sortir de ce triste milieu. « Je vous en remercie, monsieur le commandant, » dit Elsa. « Le docteur Berzelius vous a-t-il dit ce que nous attendons de vous ?» reprit von Priusch. Il m'a dit qu'il me procurait un emploi dans un Weinstube, très luxueux. « Que je gagnerais bien ma vie, » murmura Elsa. « Ce Weinstube est-il celui que j'ai quitté ?»« Oui, mais il y a mieux à faire avec vous qu'à vous confondre dans cette tourbe, » dit le commandant avec un air de dégoût. « Berzelius eut mieux fait d'être franc avec vous. » Si Frau Helena n'avait pas complété ses notes à lui, vous ne seriez pas ici. Savez-vous qui je suis ? Non, monsieur le commandant, dit Elsa. Je dirige, dans le service des renseignements secrets de toute l'armée allemande, l'un des compartiments du contre-espionnage. C'est-à-dire que je cherche à dépister les espions français, anglais ou belges qui se glissent parmi nous et à les mettre hors d'état de nuire. Ce qui m'amène parfois à les opérer moi-même dans les rangs français. parmi ceux de nos propres agents de renseignement, qui ont réussi à s'y glisser. Or, pour des fins que je vous confierai dans quelque temps, j'ai besoin d'une femme, jeune, jolie, intelligente, et possédant parfaitement le français et l'allemand, sachant sténographier et se tenant très convenablement. Il faut encore que cette femme, docile, soit de caractère assez ferme. Je crois que vous remplirez à peu près les conditions voulues. Il suffira d'un dressage de 3 ou 4 semaines pour vous enseigner les rudiments du métier et vous mettre à l'épreuve. « Mais je ne saurai jamais, moi, » dit Elsa. « Si vous ne pouvez pas, nous vous trouverons très vite un emploi de gouvernante dans une grande famille allemande. Votre savoir nous facilitera la besogne. Mais je crois que vous ferez l'affaire. Si vous acceptez, vous serez royalement défrayé de tout et bien payé. » Elsa eut un sourire embarrassé. « Je n'ai jamais pensé à faire cela, » dit-elle. « Je veux bien essayer, mais j'ai peur de ne pas réussir. » « Voilà une bonne parole, » dit von Preussch, enchanté. « Si vous le voulez bien, Fräulein von Grotters, nous déjeunerons ensemble, tête à tête, et nous causerons. Vous acceptez, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur le commandant, » dit Elsa avec son plus joli sourire.